Enfin, par rapport à la place des femmes, donc avant c'était surtout au foyer, donc le ménage et tout. Là, les tâches, elles sont restées, mais elles ont des petites choses en plus à faire, en fait. Donc, super bon. Notamment, là, le travail, quand il dit 7 heures devant un ordinateur, en plus du travail domestique, elles ont le travail productif, le sport, parce qu'il faut qu'elles s'entretiennent le corps. Sur l'image, on voit qu'en plus, il faut se faire belle, talons, robes. C'est une accumulation, encore limite, c'est encore pire qu'avant, on pourrait dire, en termes de temps passé, d'investissement. Elle a le temps de tout faire, hein. C'est une championne, elle a le temps de tout faire, elle a le temps de rester belle, elle a le temps de se faire ses abdos fessiers. Ouais, en même temps, la reconnaissance de tout ce qu'on fait, enfin. Ouais, moi je suis contente. Oui, mais en même temps, personnellement, je suis contente. On peut dire, parce que sociologiquement, on regarde, effectivement, on parle des doubles journées des femmes, des triples journées, etc. Après, ça devient une nouvelle norme. Le mari est complètement éliminé. En plus, c'est un enfant. C'est un enfant. Donc, elle est obligée de tout faire tout seul. Nos mères faisaient des heures et des heures de lessive à la main, ou nos grands-mères, etc. Elles n'avaient pas ce look. Donc, elle fait tout. Elle est super. C'est super pour elle. Mais justement, c'est pour la pression. Ça impose une vision. Ça assoit de plus en plus l'idée que, et ça se véhicule, hein, c'est-à-dire que les femmes, et seules les femmes, sont capables de faire plusieurs choses à la fois. C'est faux. Mmh. Et c'est faux. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça rejoint exactement le débat. Parce que il y a aussi des gens pour l'expliquer dans le cerveau. On est multi. Enfin, les femmes seraient biologiquement multitâches. Alors, allons-y. Voilà. Et. Alors moi je vais dire un truc tout de suite. C'est vrai que souvent quand on fait des débats, des choses comme ça, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et très vite on arrive à dire ouais les femmes, hein, les pauvres. Et enfin, très vite il peut se créer une sorte de rivalité rigolote, mais quand même. Et moi ce que je pense qui est vraiment important à penser dès le début, c'est que c'est des systèmes et que tous les stéréotypes, même si on les travaille plus sur les pubs ou par le public même sur les femmes, ils pèsent aussi de façon terrible sur les garçons, les adolescents, les hommes, etc. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête tout le temps.